Bomb rock a soldier, not from Jamaica. Puffin' a ganja, I'm the head striker. Manque juste un blunt pour casser la glace. Je te dis que pas ma place, on te déplace la masse. Pour ça que ça sent spawn exporté. Nul tu m'aurier. You know the ganja master, bomba class soldier. Place de tes biecs, hip hop québécois. Place au mic check. Yo mec, qui toi? Problématique. Inspire, expire la fumée. Déroulé, gelé comme une balle. J'avale sur instrumental, mon shit fait trop mal. Chaque jour, j'ai besoin de mon blunt. Sinon j'manque d'essence. Je représente les descentes. Oh, il efface ma souffrance. Yo Hydro-Québec, place ton mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Puff, puff, place. Hydro-Québec, place ton mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Du monde du plan, tu vois. Ton choke était au top, j'vois. Yo man, serre ton verre, v'là le Philly. Nah man, lève ton verre pour le 819. You know this line is mine, y'a pas de temps à perdre. Roule ta merde, mais reste loin de la merde. Oublie tes emmerdes, j'te dis t'as rien à perdre. Il y a ton tranquillisant. Flip, j'suis comme sans fric, j'vaux rien. Bien gelé, j'oublie rien, j'me sens bien. Enfin, EMC du 7 qui est prêt à tout pour avancer. Percer, mais j'aime mieux foncer, défoncer. J'veux un bitch bien roulé comme mon bat. Fuck that, light this shit, smoke it, pass it. Bitch, ta gueule, passe le weed. La musique, les chips, pis bomba la ganja. Quoi le plus pour ben lounger dans Fiesta? Pour moi, le micro, c'est comme une drogue, j'laisse trop accro. Y'est pas trop trop, drop the beat. Light the spliff au mic, j'kiff, young gun killer. Mr. Motherfucker, the name Jack the Ripper. Call 45, my soul's 245. Indo, hardo, j'm'encris, roule le bédo. Pas question de soi, parano. Faut flaguer ta peau dans la popo. This is running shit, year 2003. And it's called Triple B. Hey yo, Hydro-Québec, place ton mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Puff, puff, place. Hydro-Québec, place au mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Yo, Hydro-Québec, place au mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Puff, puff, place. Hydro-Québec, place au mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Stone ou pacté. J'délicace, j'monte pis j'blast. J'suis efficace pour mon dealer. J'suis qui se fait pas mieux, tant mieux. Parce qu'il faut le best pour the best. Un après l'autre, triple P, sans souci, même sans profit. On pense à easy. Rédiger un nouveau papier plein de qualité. Comme on passe de fin de journée. Ah, y'a des défauts, mais après un blunt, on les voit pas trop. Yeah, puff, puff, fuck your blunt, pass it down the line. Yeah, take a token and smoke a blow your fucking mind. Puff, puff, fuck your blunt, pass it down the line. Yeah, take a token and smoke and blow your fucking mind. Hey, yo, Hydro-Québec, laisse ton mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Puff, puff, pass. Hydro-Québec, place ton mic check, j'vise que le respect. Puff avec le weed, j'vois sec. Making trades now. Break it. Scrape it. Make it. Dump it. Smoking.